machine à sous est détraquée. Tu ne peux plus jouer. Les cartes sont fausses à force de tricher. Et des sons truqués. La machine à sous est détraquée. Tu ne peux plus gagner. Et ta guitare est désaccordée. Tu ne peux plus chanter. Tu ne savais pas, tu as tout cassé. Ta vie s'est arrêtée. Sur l'image de ses yeux remplis de pluie. Ta vie s'est arrêtée sur l'image de ses yeux remplis de pluie qui te regarde partir. La machine à sous est détraquée. Tu ne peux plus jouer. La machine à sous est détraquée. Tu ne peux plus jouer. La machine à sous est détraquée.